Peter Friedman a froid. Bien que serré, assis parmi des soldats de la 8e armée allemande, mobilisés pour servir en Prusse orientale, il grelotte, transi. Il n'a jamais vu la Prusse orientale. Quelques mois auparavant, il y aurait volontiers voyagé. Il aurait visité la région, avec Angela, sa fiancée. Il aurait acheté un bijou. Ils auraient flâné ensemble au bord d'une rivière. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Peter Friedman observe ses compagnons, discrètement. À droite, au fond du véhicule, recouvert d'une toile grise, un homme blond et barbu fixe la pointe de ses chaussures. Un autre, plus jeune, tremble, les bras croisés sur son torse. Un dernier, en face de lui, une immense cicatrice barrant son visage dur, semble dormir, malgré les soubresauts de la route. Peter Friedman a mal au dos. Le trajet dure depuis des heures. Il est assis sur une simple planche de bois sec. Dans son dos, la grande toile, il ne peut s'y appuyer. Et la route, qu'il semble emprunter, n'est qu'un enchaînement de creux, de bosses, d'affaissements, de collines qu'il faut gravir avant de redescendre. À trois reprises, il manque de s'écrouler sur l'homme à la cicatrice. Peter Friedman est nerveux. Il ne peut s'empêcher de redouter le moment où les robustes camions qui, à la file, transportent les soldats vers une cible de destination s'arrêteront dans un crissement de pneus. Le moment où ils devront descendre dans l'idéal accompagné d'un sentiment de fierté incomparable de pouvoir servir leur pays. En réalité, inquiet de découvrir comment ils vivront durant les prochaines semaines de leur existence. Peter Friedman est tout à coup projeté sur son voisin avec une force impressionnante. Le véhicule vient d'effectuer un dérapage. Le chauffeur descend, puis frappe sur la tôle bruyamment. Il leur crie « Descends, vite !» Peter et ses compagnons sautent tant bien que mal à terre, leurs jambes engourdies par le voyage, menaçant de s'écrouler à tout moment. Devant eux s'étend une multitude de tentes, pièces d'artillerie, voitures, camions, jeeps, fusils, caisses remplies de choses étranges, hommes casqués et armés, ordres hurlés. L'officier qui s'avance les observe d'un œil soupçonneux.